Direct mardi 23 novembre. Y a personne. Bon, ben d'abord, je vais aller voir mes affaires en attendant. Ça devrait pas être long, là. Bon, je vais laisser faire. Je pense que je vais perdre le direct sinon. Donc, c'est aujourd'hui que le gouvernement Legault va faire une annonce. Cet après-midi, à la même heure où notre ami coroner va rendre son rapport public. Bonjour, Jenny. Donc, oui, j'ai fait une vidéo dernièrement, puis oh, j'ai des retours. Dans le sens qu'il y en a que ça fait pas leur affaire. Ah, bonjour, CP, j'avais pas vu. Ah, bon matin, oui, c'est l'avant-midi, un peu ici. Mais oui, même heure, et oui. C'est des tactiques de diversion, mais ça démontre jusqu'à un certain point qu'au moins il semble y avoir certaines instances qui sont pas totalement dans la. C'est vrai qu'ils sont pas totalement complices. Bonjour, c'est Marsan. Donc, il y a aussi un coroner qui a dit publiquement que des gens âgés avaient été euthanasiés. Mais ça, c'est un euphémisme à mes yeux parce que. Des gens qui meurent d'inanition, qu'on abandonne, et puis qui meurent au fond de mauvais, c'est un mauvais traitement, abandonner quelqu'un de vulnérable qui ne peut survivre seul. Moi, à mes yeux, ce sont des homicides par négligence. Donc, c'est un euphémisme là, de dire des euthanasies. Bonjour, Martin. Dark Ennis, je te sûr à cette heure-là. Amor, F. Amor, c'est drôle, hein, parce que Amor, ça sonne un peu aussi. On pourrait mettre Amor, vous savez, là. Je parlais de gens qui ont été conduits à leur mort. Et puis, c'est ça. Donc, par rapport à ça, est-ce que les gens vont commencer à. Non, je pense pas. Je pense pas que les gens vont commencer à comprendre. Vous avez peut-être vu, il n'y a plus moyen de faire des pouces en bas, mais ça, c'est pas moi qui ai décidé ça. Tout YouTube a réformé plein de choses. Bon avant-midi du Mont-Saint-Hilaire. Bon, ben, bon avant-midi. Bonjour de Paris, la ville de Lucifer. Ah, oh, ben là. Lui, c'est toutes les villes, là. Maintenant, au fond, là, dès qu'il y a un nombre de personnes. Un assez grand nombre de personnes. Mais le Mont-Saint-Hilaire, ça, c'est intéressant. Il y a des lacs aussi intéressants dans ce coin-là. Donc, ici, il y en a une montagne, il n'y a personne qui en parle. Hein. Il s'agit d'une anomalie géologique, c'est-à-dire qu'aucun géologue n'est capable réellement d'expliquer cette formation-là. Il était dit que c'était lié à quand la Terre est en formation, il y avait eu une anomalie magnétique au niveau de la gravité, puis que ça avait formé cet amas-là, mais je l'ai approché, cette montagne-là, de près, et il y a des fossiles dedans, donc ça ne tient pas. Occupation oblige jardin compost, proche de. Donc, une oreille tendue au passage, le temps que la Mayorée prenne. Le mont Saint-Hilaire est entouré d'anges. Bon, ben pourquoi pas. Il est entouré de gens, en tout cas. J'ai donc, vous savez, c'est une question de déduction. J'ai été voir un article, mais c'était limité par rapport au chaudron. Est-ce le chaudron? Oui. Ben oui, le mont Chaudron, qui est près de la frontière avec l'Ontario, juste sur le bord de la frontière avec l'Ontario, qui est une montagne très, très. Moi, je l'avais approché, mais la première fois que je l'ai vu d'une route. C'est surprenant. C'est très étrange là, de voir ça. C'est vraiment anormal. Une formation rocheuse anormale. Le taux vibratoire des questions aujourd'hui, ben, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas vu qu'il y a une question sur c'est-tu le chaudron ou pas. C'est pour le pas de. Non, puis de toute façon, c'est pas nécessairement le taux vibratoire des questions, mais genre le mien, au moment où je lis. C'est ça que je peux regarder. Je peux pas. On regarde l'extérieur à partir de l'interne. Mais sur la photo, je trouvais ça spécial. Ben oui. Vous savez, il y a eu un cas là. On a retrouvé encore des membres, une sorte de rituel étrange. Un paquet d'autres choses aussi, ça attire des gens qui ont des problèmes, on dirait. Le Mont Saint-Hilaire, c'est celui qui a mis Didier en code vidéo sur les montages de... Ah, je sais pas. Ben, possiblement, j'ai pas vu. Je regarde pas tout. Hein. Donc, est-ce que l'argent en papier ou monnaie va disparaître? Il ne va rester que la crypto-monnaie. Ben, un jour, il n'y en aura plus d'argent papier. De toute façon, ça va disparaître comme c'est apparu. Je veux dire, il y avait des transactions avant l'argent papier. Donc, ça, au fond, c'est les Chinois, à mes yeux, qui. Bon, à une certaine époque, là, il y a même eu c'était des petites plaques de bois recouvertes de lac à un moment donné. C'est différent de cette monnaie frappée à l'effigie des Templiers. Bon, de toute façon, moi ici, l'argent est à l'effigie d'une dame de descendance allemande. Un vieux schnauzer consanguin qui s'appelle Élisabeth II. Je devrais jamais dire des choses comme ça, mais bon, c'est parce que si je me mettais des filtres, déjà je m'en mets deux. Donc, Richard, Richard, happé par cet occulte. Ben, ne jugeant pas pourquoi c'est pas correct d'avoir du jugement. Heureusement que je suis pas juge. Mais heureusement que de toute façon, même un juge est pris pour suivre la jurisprudence. Mais il y aurait retour des potences. Je suis pas très, très. C'est étrange de voir que les gens qui ont aboli la peine de mort au Canada, on dirait que c'était pour des raisons plus. On en reparlera à un moment donné, mais c'est pas vraiment. Aujourd'hui, je ne suis pas très dans des sujets très élevés, ça. Par rapport au Mont Saint-Hilaire, j'aperçois un voile énergétique qui l'enveloppe, mais pas des anges. Ben, il n'y a pas le choix d'avoir un. En tout cas, quand je parle de cette monnaie, c'est sur la montagne de Glenn au début. Quand je parle de cette monnaie, encore des membres. Ah, oh, ça fait un bout de temps, ça. Mais oui, il a été retrouvé des restes près du Mont Chaudron. Puis c'est étrangement. Mais ça date du temps de la prospection, ça fait longtemps, là. C'est peut-être certains. On ne sait pas. Peut-être qu'il y a quelque chose de lié à des autochtones. On ne sait pas. Mais à un moment donné, ben, peut-être que j'étudierai ça. Ben, au fond, ça ne m'intéresse pas vraiment, mais bon, s'il y en a qui s'intéressent. Ce détail m'a interloqué juste après mon intervention pour mettre les compteurs. Je ne sais pas à quoi tu fais référence. C'est souvent comme ça, hein? Quand je parle de cette monnaie, c'est sur la montagne de Glenn au début. Puis après. Et ce détail m'a interloqué juste après ton intervention. C'est pour ça que je vois pas de quoi il est question. On dit la mort, l'âme, or la mort, espagnol, l'amour. Oui, ben j'avais vu, je sais ce que c'est la mort. J'ai écouté beaucoup de chansons en portugais, pas en espagnol, donc j'aime beaucoup les tangos argentins puis l'Uruguay. Il y a longtemps, là, les plus vieux, là. Mais bon, c'est un petit peu trop larmoyant. Il y avait jadis la guillotine au Québec. Non, nous, c'était les bois de justice, c'est-à-dire des potences avec des cordes. Pourquoi se compliquer la vie, hein? C'est pour ça qu'on complique tout, finalement. On se complique la mort. Ben, si la montagne. Ben oui, je sais que c'est la montagne de Glenn, mais c'est quoi le rapport avec la monnaie puis les détails interloquants? C'est ça que. Ou le brou avec une hache avec une. Non, ben non. Ça, c'est. On est une colonie britannique, mais quand même, les haches. Voyons. Donc, oui, Aya, t'as remis les compteurs à zéro. La comparaison de Glenn à propos de Bernard. Ben, vous savez, l'extrait que j'ai vu, il disait même ah, que Bernard de Clairvaux était un des seuls, puis qu'il y avait des rencontres au Tibet. Puis... Voyons, là, Bernard de Clairvaux, là, il avait une tonsure, là, puis une chaise percée dans sa chambre, puis il se faisait s'opposer à Bellard. Pis... C'est spécial, il y en a qui ont de l'imagination. Il y en a qui ont de l'imagination. Voyons donc. Quelle est la clé de fond du principe de la volonté? Ah. La clé de fond du principe de la volonté. C'est quoi la clé, peut-être? Mais la clé de fond, y a-t-il une clé de surface? La volonté, c'est donner une direction à l'énergie. Donc, les enfants, comment ça se passe? Qu'on fait? Donc, hein? Les enfants, comment ça se passe fait qu'on dort autant? Ben, je ne sais pas, je ne sais pas à quoi vous faites. J'ai pas pu dormir beaucoup cette nuit parce que j'ai un enfant, là, si on peut dire entre parenthèses, un chat ici, là, il voulait plus s'en aller. Là, je suis juste allé jeter un coup d'œil sur la cité de la SQ et c'est fulgurant de voir tous les gens disparus. Ben oui, ben il y en a beaucoup qui n'en parlent pas, pourtant, en tout cas. Mais non, ici, c'est comme partout en Occident. Là, on a des... Ça m'intéresse pas vraiment, mais j'étais curieux de mentionner ça dans un enregistrement. Ah ben oui. Hein, hier, tu dénonçais le culte et la comparaison qu'avait Glenn en l'absence de Bernard. Encore là, je sais pas à quoi. Faudrait à un moment donné... La vaccination pour les enfants, moi, c'est aujourd'hui l'annonce, cet après-midi, de leur plan, parce que là, les parents peuvent déjà prendre rendez-vous. Justement, hier soir, j'ai eu un partenariat de parole avec un Montréalais d'une durée de 3 heures. Ça m'est arrivé d'avoir des échanges qui ont duré 6 heures. Puis c'est des choses que je ne referais plus. Pourquoi? Parce que c'était lié à un échange psychomagnétique, si on peut dire, puis on s'épuise. Donc, bonjour Stéphanie. Un enfant chat errant. Ben oui, je l'ai mis dehors en plein dans la neige. J'envoie votant. À 1h du matin, je me suis tanné. Parce que là, j'étais couché, il venait se coucher, il s'en allait, il tournait en rond. J'ai dit, bon, ben là, ça va faire. Et nous, nous sommes mis en vibration au sujet des oublis dans la transition. Il faudra à un moment donné, il va falloir intégrer de l'ajustement au niveau justement des échanges. Parce que j'ai beaucoup de... Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, puis je n'ai pas envie de penser. Ça ne me tente pas de réfléchir. Les animaux ont aussi leur plan astral. Ben, un plan animique. Mais oui, il y a un plan de l'âme, au sens où ils ont leur mémoire. Là. À eux, vous savez ce qu'une corneille sait, habituellement, les autres finissent par le savoir. Ils se rejoignent en rêve. La même âme. Les animaux qui ont aussi leur plan astral, à l'époque, j'ai cru ressentir la présence d'un chien qu'on venait de perdre. Ah, ben ça arrive. Il y a même Jean Prieur a parlé des. Les manifestations spectrales d'animaux. Donc, mais c'est les vivants là, qui vont donner l'énergie pour ça, puis qui vont réactiver une mémoire par leur affectivité dans le souvenir. Donc, les gens ont de la difficulté à formuler des questions ou écrire des phrases. Et toi, Bertolt, tu finis? Pas tes phrases. Ben, l'affaire, c'est que je m'auto-censure à mesure, étant donné que je parle souvent sans, je réfléchis pas. Souvent, c'est exactement comme je vais dire quelque chose que je me rends compte qu'il ne faut pas que je le dise. Ou que c'est pas le temps que je le dise, ou que pour toutes sortes de raisons, il ne faut pas que je le fasse. Donc, je suis obligé, je peux pas, je pense pas avant de parler, donc je peux pas penser à ne pas dire quelque chose avant de le dire ou avant d'être sur le point de le dire. Donc, oui, ça arrive. Le chat, il t'a choisi, ben oui, comme un paquet d'autres avant, puis... Ça devient tannant parce que les animaux m'aiment beaucoup. Puis, au niveau de la gestion de l'énergie dans ma vie, je n'ai pas envie d'être... À un moment donné, il va falloir que ce chat-là fasse sa vie en dehors de la mienne. Parce que je ne suis pas là pour ça. Là. Peut-être un temps, je vais l'aider un temps. Force animalienne, c'est quoi? C'est les forces primaires évolutive de la planète, c'est-à-dire, par exemple, comme justement l'intelligence des animaux. Mais il y a ça dans l'être humain parce que l'être humain, au niveau d'un corps biologique, a ça. C'est pour ça qu'il y a des instincts, il y a des pulsions. Connaissez-vous Madame Minot du Québec? Oh, Louise Allé, ben, je la connais comme une figure de la culture populaire que tout le monde connaît. Elle est très âgée maintenant, elle est rendue presque aveugle. C'est assez triste à voir. Mais Madame Minot, bon, moi je la considère comme une femme d'affaires, d'une certaine façon. Prenez l'autre, là, Jocelyne Savard, aujourd'hui, elle vit comme une reine en Floride. J'exagère peut-être un peu. C'est oublier que t'as de la misère avec. Moi, je comprends que t'as pas envie de penser. Et c'est par ici. Jusqu'au dernier live, tu disais qu'il faudrait que nous ayons un échange. Ben oui, mais là, il aurait fallu que t'aies des séances avec Daniel Ménard de son vivant. Lui, il aimait ça canaliser en plein devant tout le monde, en plein restaurant. Parce qu'à un moment donné, c'est l'ajustement dont je parle, c'est au niveau là d'un chat. Hein? Je te réponds affirmatif. Ah, je sais pas. Bonjour, Mystère Guerrière. Faudrait une rencontre pour aller plus loin en jasette. Oui, ben, il y a toujours un moment donné, peut-être que si le climat social se radoucit un peu, qu'on a une petite accalmie, peut-être qu'à un moment donné, j'irai à Montréal. Il y a des bonnes chances, par contre, que j'aille à Montréal. Souvent à Montréal, je vais manger de la soupe. Puis c'est ça qui m'intéresse de faire. Parce qu'il y a des tempopos à Montréal. Puis des fois, je vais magasiner dans le quartier chinois, acheter des choses que je trouve pas ici. Mais à part ça, à Montréal, faudrait peut-être qu'un jour, je vais faire des conférences. Je le sais pas. Puis je me vois pas faire ça. Mais quand je dis ça, je me suis vu faire ça. Mais dans le sens, j'ai eu des images de ça comme dans le futur, mais je peux pas dire que ça m'intéresse vraiment. Quel est ton ressenti suivant les informations nouvelles concernant les bâtiments énergétiques? Que serait l'église, cathédrale, éventuellement le grand mensonge sur les réinitialisations de l'humanité? Ben, de tout temps, il y a eu des initiés de la connaissance qui connaissent certaines sciences liées à la forme, puis à la géométrie. Et c'est toujours à eux qu'on a confié la construction des temples et des palais. Donc, oui, puis c'est pareil pour tous les pays du monde. Comme si vous prenez là, le temple du ciel à Pékin, c'est des initiés de certaines choses qui ont construit ça. Si vous regardez les dugongs, c'est-à-dire les structures de la charpente, il y a une science là-dedans qui est là pour créer, faire en sorte d'amplifier certaines choses. Mais ça, que ce que j'en pense, puis les réinitialisations. Ah, mais monsieur Touga, il m'a mis une. Ok, tiens. Bonjour, rayon jaune. De la soupe au requin. Bon, ça, à Montréal, j'en ai jamais trouvé. J'en ai essayé à Toronto que je trouvais des ans. Mais ici, au Québec, c'est plus difficile. Des vieilles mémoires qui traînent au fond. Du Mont-Saint-Hilaire, je suppose, la poubelle astrale. Ben, il y a pas, c'est pas juste ça, là. Il y a pire, hein, que ça. Coucou à tous, je suis au travail. J'écoute en replay. Bon, ben, bonne journée. Marie Pitt, live d'hier. J'ai pas fait de live d'hier. Ah non, c'est avant-hier ou avant ça. Je me rappelle plus. Les Ouïghours d'aujourd'hui sont-ils les Ouïghours, les hommes du temps des Ming-Manchu? Ça, je le sais pas. Mais il y a clairement un karma qui est lié à leur génétique, semble-t-il. Donc, c'est ce que c'est les âmes, possiblement, l'énergie animée, clamée. Parce que l'énergie, ça disparaît pas, ça se transfère. Daniel, non, toi, 200 mots, c'est limité, un mail spontané, c'est vrai, j'ai dessus. Jusqu'à te mettre en vibration. Oui, ben, j'y vais pas toujours. Ça peut prendre des semaines hein, avant que je voie mes mails. Bon. Lorsque tu le seras, le spontané sur, c'est quoi, SK? Ah, Skype. Ouais, ben, ça peut se faire. Hello, c'était une joke là, mais ben, j'ai compris là. Enfin, Mais oui, vous avez une culture générale impressionnante, tout ça, ben je sais pas. Puis franchement, mon père aussi avait une bonne culture générale. Ben j'ai beaucoup, beaucoup lu, entre autres, mais des fois ça m'arrive de parler de choses que je connaissais pas avant de le dire. Donc je sais pas, tout vient d'où. Pas au sens où ça me vient de comme ça, de nulle part, mais au sens où il y a des choses que je sais, puis je me rappelle pas comment je l'ai su. Tout simplement. Soupe pâte à bœuf. Pâte de bœuf et légumes. Très riche en vitamine B et collagène. Très bon pour l'épiderme et les engelures. J'ai jamais eu d'engelures. Pourtant, j'ai jamais mis de. Vous savez, je passe tout l'hiver sans rien sur la tête. Comment les aider? De cette emprise astrale sans trop les mêler. Vous savez, on fait pas ce qu'on veut, puis je remarque de plus en plus que y a des forces qui font en sorte que ça accomplisse des programmations, puis il semblerait qu'on peut pas. J'ai déjà même essayé. Je me pose des fois, puis j'ai essayé mais il y a des forces extrêmement puissantes qui. Je ne sais pas à quoi vous faites référence, comment les aider, je pense, j'imagine, mais. Montez. Attendez, là, ça va vite. Mont Saint-Hilaire n'a rien de mystérieux, géologiquement parlant, c'est un Pluton qui date de 130 millions d'années. Ouais, mais au niveau des. On ne peut pas dater de la pierre, hein, ni des formations, c'est difficile. Puis même là, chaque année, ils changent, je veux dire, même les géologues, là, ils changent leurs idées de temps en temps. 130 millions d'années, c'est un arrondissement assez. Il doit avoir toute une marge dans la réalité. Fait partie de la chaîne montérégienne, comme le mont Tremblant. Ben oui. Mais l'affaire, c'est que c'est pas parce que c'est une formation géologique. Je veux dire, admettons là, que je sais pas, moi. Il y a quelqu'un en Afrique du Nord ou ailleurs qui se ferait bâtir un bunker dans une montagne. Le fait que c'est une montagne, une formation naturelle, ne change pas rien sur la fonction spéciale qu'elle peut avoir un lieu. Donc, aider qui, ben, c'est en général. Il y a des endroits qui sont anodins, puis pourtant. Il y a des choses liées à ces endroits-là qui ne sont pas anodins. Donc, le fait que le Mont Saint-Hilaire soit une formation très, très normale n'empêche pas au niveau. J'ai pas fini ma phrase, hein? C'est pas parce que je perds le fil. Mon corps est un temple sacré. Ah, les calvinistes aussi considèrent que. J'en prends soin, mon corps est une prison. L'alcool, la drogue me permettent de m'en échapper. Bof. En prendre soin, puis prendre de. Il y a un paradoxe, il y a de quoi de contradictoire. J'en prends soin, puis après, la drogue et l'alcool me permettent d'en échapper. De toute façon, la prison, c'est toujours mental. Et la relation au corps, c'est une forme de psychologie. Parce que l'être humain, il psychologise les choses, il entêtise son propre corps. Donc, l'affaire, c'est est-ce que votre corps aura la capacité de s'échapper de votre psychologie? Donc, plus on sait, moins on a besoin de traîner de la connaissance. Oui, mais d'une certaine façon, des fois. Admettons que vous voulez parler de quelque chose puis que vous avez besoin de certains exemples, certains référents. Ben là, la connaissance peut être utile. La connaissance, pas en tant que connaissance, mais la connaissance en tant que support formel. Pas pire, ça. Je vois un genre d'actualisation nouvelle qui utilise la mémoire créative. Ben oui, voilà. Non, c'est bien ça, que ça suive. Il y a un certain rapport, hein, entre vous. Que vous ne voyez pas nécessairement, mais c'est intéressant. Par rapport, un dit quelque chose, l'autre dit autre chose, puis il y a un rapport clairement. Puis pourtant, ça a été fait, l'autre ne savait pas ce que l'autre écrivait. Je ne veux pas être très méchant, mais Dark Chemist a-t-il manqué d'amour de sa mère? Ben, comme tout le monde. Non, ce que je veux dire, c'est que tout le monde a vécu, puis là, il ne faut pas non plus, on va pas se mettre à faire de la psychanalyse, là. Hein? Est-ce que la connexion peut provoquer des problèmes de santé qui ne viennent de nulle part? J'explique, je traîne une inflammation dans un œil depuis janvier et médicalement, rien ne l'explique. Il y a certainement une raison mécanique à ça. Mais là, comme c'est du cas par cas. Mais est-ce que la connexion peut provoquer des problèmes de santé? Habituellement, ça n'en règle. Ça dépend, vous êtes connecté à quoi? OK, j'ai noté pour cette réponse. Je ne t'étonnerai pas sur mail pour que tu me donnes ce profil Skype. Ah, c'est si tu veux mon profil Skype, bon, ben, je vais te le donner. Mais je ne peux pas être sur Skype tout le temps. Il va falloir comprendre que ça ne me tente pas nécessairement de jaser 3 heures non plus, là, nécessaire. Mais oui, je l'ai ton. Je te le donnerai. Mais si ça continue, je vais ouvrir un Skype au nom de Berthold parce que c'est plus complexe que cela. Mais tu t'y es dit. Bon. Voir le code QR m'a fait trembler, comme si j'étais à l'aéroport avec 1 kilo de coke. Ah. Hier, qu'est-ce que j'ai écouté hier? J'ai écouté André Pitre, là, son affaire de réinformation. Je ne sais plus si c'était celui d'aujourd'hui ou celui de la veille. Puis il montrait des images qui ressemblent étrangement à un début de guerre civile, notamment aux Pays-Bas. Puis il parlait de l'Autriche, puis de l'Écosse aussi, qui ont un pic de mort de nouveau-nés, même de femmes qui ont accouché de bébés morts avant l'accouchement. Puis j'ai ressenti une forte. J'ai ressenti vraiment une certaine colère. Puis j'aurais pensé à justement Dark Chemist, qui a pas l'air de comprendre les affaires de serment de cœur puis tout ça. Mais moi, je changerai jamais d'idée là-dessus. Les gens qui sont responsables de ça, j'aurais aucune pitié. Je peux pas faire autrement, ça me met trop en colère. Dans le sens que c'est tellement contre les lois de la vie, ça va tellement contre les lois de la vie que il faut que ça retourne, dans le sens que les certaines forces qui engendrent la mort doivent retourner là, d'où elles viennent, dans le sens que, en tout cas, ça m'a tellement. J'aime autant rien dire sur ça. Les réinitialisations, je mange pas, mais les églises et les anciens mentiments m'ont ressenti vers l'énergie est plus prononcée. Ben oui, ben, ces choses-là ont une valeur. Je veux dire. Je suis pas. Prenez les Staliniens, les gens dans le tas de Lénine qui ont détruit des églises orthodoxes. Je suis totalement contre ça. C'est pas comme ça qu'on détruit pas de la mémoire avant qu'elle soit désuète et quand les masses en ont besoin. À moins d'être justement des forces anti-vie qui veulent aller, qui sont contre nature dans leur mouvement. Donc, bonjour Didier. Quel est Kim? Ah, il y en a qui donnent un sens, que ce soit droit ou gauche. Ben voyons donc. Bon, ça dépend de. À propos de quoi? Cindy, très, j'ai donné tout l'amour que j'avais à cette mère, c'était fusionné chez moi. Et les programmations propres à chacun ont fait que j'ai vécu. On souffre la illusion de la trahison. Vous savez, l'amour polarisé, là, planétaire, c'est pas. Puis il y a toujours un certain parasitage. Mais là, c'est du cas par cas. Mais les gens qui ont des relations fusionnelles, là, avec leurs parents, c'est rarement ajusté. Mais ça dépend, là. Je faisais référence aux positions des uns et des autres. Je me souviens plus. Ah, trop loin, Montréal. Bah oui, c'est loin. Même trop loin pour moi, je trouve. Ah, la trahison d'une mère qui n'a pas eu le courage de regarder certaines choses en face. Oui, mais c'est un peu toutes les mères, un frère suicidé. Bon. Ouais. je sentais certaines affaires comme ça, mais l'affaire, c'est justement, là, c'est des choses pas mal privées, là. Peut-être pas la place. Intéressant, je ne lis pas les commentaires. Ben oui, mais vous venez de supprimer un de vos commentaires, monsieur Touga. C'est le son qui compte, pas les mots. C'est pas fou, ça, mais... La vibration derrière la forme, on peut pas mettre une forme avec une vibration qui n'y convient pas. Je sais pas si vous comprenez. Je veux dire, si on change les mots, le son n'a pas le choix nécessairement de changer lui aussi, d'une certaine façon. T'es pas méchante ni gentille. Bon, je vais vous laisser vous jaser ça. Merci pour bon, ben de rien. Je pourrais pas faire autrement. Pas terminer tes phrases sans même penser, c'est intéressant. Comme une responsabilité psychique de ton contact qui s'ajuste aux gens vulnérables, c'est quasiment plus moi qui ajuste mon contact. Parce que si je parlais librement, là, blablabla, ben, je serais en danger. Je me mettrais en danger, je ferais des problèmes. C'est là que je me rends compte que ce qui est en dehors de l'ego n'est pas nécessairement. Conscient au sens de l'ego en tant que préservation. Donc, je n'ai jamais senti autant de colère que depuis ce. Moi, oui. C'est pour ça que j'avais dit à un moment donné, ça va avoir l'effet contraire au sens qu'à force de vouloir endormir, ils vont réveiller les gens. À propos du truc d'alcool et de drogue, ben voyons de moi. Tandis cette affaire du serment de cœur, je lâcherai pas. Ben oui, mais c'est moi qui l'ai dit. C'est que c'est mon affaire, moi. OK? Donc, parce que moi non plus, je lâcherai pas. On prend les moyens qu'on peut, qu'on a. C'est mêlant car les gens, entre eux, moi. Vous savez, on n'a pas tous la même programmation, on n'a pas tous les mêmes mandats. Puis, il y en a parmi nous qui auront aucun remords à amener une guerre. Dans le sens qu'il s'agit bel et bien d'une guerre. Mais c'est pas tout le monde qui veut le voir. Il y a encore des restants de spiritualité qui font qu'on est porté à moraliser ça. Mais c'est justement lié à ce qui est testé, donc... Ah, censurer aussi, bon, je suis correct. Rien à cacher, rien à mettre en avant. Le travail a été fait. OK. Le Mont-Saint-Hilaire, tu as éveillé ma curiosité. Bon, pourtant, moi, ça ne m'a jamais intéressé, le Mont-Saint-Hilaire. J'en parle au sens que je comprends. Je comprends l'intérêt de certaines personnes. Je comprends aussi la fascination, c'est-à-dire une magnétisation de certaines personnes par rapport à ça. Et je sais que c'est une porte. Dans le sens qu'une anomalie magnétique liée au Mont-Saint-Hilaire est aussi possiblement autre chose. Donc, mais le Mont-Saint-Hilaire, je suis même jamais allé à proximité. Puis, tu as déjà regretté d'avoir dit quelque chose sur YouTube après coup? Ben oui. C'est certain. Mais je ne l'enlevais pas. À quoi ça sert l'initiation astrale? Ça, c'est intéressant. Ben, ça sert à l'évolution de l'âme. Évolution entre guillemets, guillemets qui sont entre parenthèses. Donc, quand tu penses pas, tu vois les choses plus d'une manière personnelle. Donc, la pudeur. Oui, mais c'est important, la pudeur. Les gens pensent souvent que c'est lié à l'éducation, puis pas vraiment, je veux dire, même les animaux ont une pudeur. Donc, les oppositions, oui. Miroir, miroir, bon. Synchronicité. Intérêt pour les choses occultes sonne pour moi comme un intérêt pour le potinage, oui. Ben, ce qu'on pourrait appeler les gens qui ont soif de l'occulte. L'occulte, occulte, ça veut juste dire caché, voilé. Donc, des gens qui ont soif de chiquer des voiles, c'est étrange. Ce qui est derrière ça, qui n'est pas encore intégré, c'est la soif de clarté. mais c'est encore l'intellect va venir tout brouiller ça. Puis ça devient un intérêt pour le mystère, puis les choses, bon. Mais il y a l'esprit derrière qui. Bonjour Karina. Hello, bonsoir, bonjour. Je trouve pas. J'aime l'histoire en général. Ah, je vois pas. Nettoyage des mémoires cellulaires. J'en pense quoi? Je sais que les cellules, en quelque sorte, ont un mental, mais au niveau de la mémoire, c'est que les cellules seraient électriquement liées à des plans où il y a d'emmagasiner de l'information structurelle, puis aussi des pulsations, semble-t-il. Mais la mémoire des cellules, c'est la première fois que j'entends parler de ça. La mémoire, à moins qu'on parle de comme un neurone, au niveau neuronal, est-ce que l'âme nous appartient? Ben, l'appartenance au sens d'une possession, c'est une notion psychologique, mais ça vient pareil de l'occulte, dans le sens que la possession, c'est un contrôle. Vous savez, là, au sens littéral, là, comme la possession. Donc, est-ce que l'âme nous appartient? Là, c'est autre chose. Au sens comme d'une maîtrise ou d'un droit, qui sont des notions psychologiques. Donc, c'est subtil, là. Est-ce que l'âme nous appartient? Moi, ça me dit que non. Parce qu'il y a quelque chose de rattaché à du collectif. Ça pourrait expliquer certaines choses. Je trouve pas, j'aime l'histoire en général. J'ai beaucoup d'empathie pour les animaux, plus que pour les humains, des fois. Ben oui, ils me touchent les animaux, c'est pour ça que j'en veux pas. Savez, là, j'ai pas envie de. Sinon, je vais devenir une espèce de. Ça existe un père au chat, je sais pas. Je suis géologique et même les oiseaux, là, ça y aurait des conflits entre mes animaux. Je suis géologue et je date des roches depuis des années. La plus vieille roche date de 2,3 milliards d'années. Ben oui, mais ça, c'est à travers le filtre de votre formation à vous. Parce que si cette année, par exemple, un géologue vient démontrer qu'il y a certaines choses au niveau de la datation qui n'étaient pas tout à fait précises, ben là, il va falloir changer votre filtre encore puis réajuster ça. Il va y avoir. Mais comment est-ce qu'on date une roche par rapport à ce qui est préétabli au niveau des âges de la Terre, puis de la formation, la trame qu'on donne à la formation de la Terre, l'histoire de la Terre. Telle roche qui est sédimentaire, on va dire, elle date de telle période, mais il y a quelque chose là qui vient pas de vous, qui vient d'un collectif, puis de votre formation, puis les faits, eux, les faits en eux-mêmes, à ce que je veux dire, il y a des erreurs possibles au niveau de ce que les collectifs ont créé comme structure de connaissances pour filtrer ce qu'on pourrait appeler le réel. Donc, j'ai connu des géologues, puis il y en a beaucoup par ici. Puis, oui, c'est arrivé que la façon de voir le terrain, si on peut dire, était obligé de la changer pour la réajuster aux connaissances. À des connaissances nouvellement acquises. Dira, ah, ben, désormais, telle période s'est située de telle façon, puis bon. C'est comme les archéologues là, qui font l'archéométrie ou ces choses-là. Ça a changé depuis le temps au niveau de la façon de faire ça. Puis ça va être pareil pour la géologie, c'est-à-dire à mesure que les connaissances changent, mais c'est très lent, ça change pas vraiment. La façon de dater va changer aussi. Puis au niveau d'un arrondissement, dans le sens, on ne peut pas dater précisément. Il va y avoir une marge. Donc même là, il y a possibilité de se tromper. Savez-vous que des gens ont moulé des pierres sédimentaires de façon manuelle et artisanale, les ont amenés à des géologues, entre autres, ou à des gens qui étaient spécialistes de datation, justement, de structures minérales, et qu'ils ont daté la pierre comme ayant des millions d'années. les techniques là, pour le stuc. Il y a toutes sortes de façons de. Puis, ou bien quelqu'un qui aurait une presse à pression, par exemple, peut faire des choses, vous savez, là, une bonne presse, là, avec des tonnes de. Il y a moyen de faire toutes sortes de choses, puis si on met ça entre les mains d'un géologue, il va dire, ah, ça date de telle période, donc ça a tout, tout, tout, tout, tout. Je me fie à rien. J'étais où, là? J'ai beaucoup d'ennuis. Mon corps a gardé plein de mémoires d'un accident de voiture, même inconscient, plus de 3 mois. Ah, ben ça, c'est parce qu'il n'y a pas juste le corps physique, là, il y a d'autres corps. Je surpasse la dépersonnalisation après avoir fait l'erreur d'aller voir ce petit frère qui m'a manqué, m'a pété une côte et m'étouffer. Ben voyons, ça va donc bien mal. Ça va donc bien pas bien. Puis aussi, verriez-vous ça que je vous raconte, tous mes conflits de famille avec mon frère, qui est pas mal tranquille. Je peux pas. Non, mais je vous dirais, admettons là, que ce serait le cas. Donc, c'est pour ça que je parle là, justement. J'aime les animaux dans leur environnement. Ben, moi aussi, mais le chat domestique n'a plus réellement d'environnement. C'est presque maintenant une créature entièrement sous la responsabilité des humains. Surtout ici, là, ben, quand il va faire moins 45, là, je fais quoi avec? Je le mets dans l'environnement. Il va revenir plus d'oreilles, plus de queue. Ça va avoir cassé. Autant d'empathie pour tous les êtres du cosmos. On soit une bouddhique, là. Moi, je n'ai pas d'empathie pour tous les êtres du cosmos, c'est pas du tout. Et l'empathie, qui est la capacité de se mettre à la place des autres, est une subjectivité. Comment avoir de l'empathie pour une fourmi? On fait comment pour se mettre à la place d'une créature qui est dans une programmation totalement différente, là? Ça sonne spirituel, là. Puis même, tu sais, on peut avoir de la compassion. Comme les disent certains bouddhistes, la compassion pour tout, mais de l'empathie pour tous les êtres du cosmos. Comment on fait pour se mettre à la place de tous les êtres du cosmos? Juste se mettre à la place du marchand portugais qui vend du navet mariné, c'est difficile parce que c'est une autre programmation, c'est une autre mémoire, c'est un bon. Fais pas comme Ménard avec les chats. C'était, bah oui, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Même on pourrait dire qu'il y avait quelque chose là de. Je vais m'auto-censurer. L'âme est à polarité psychique. Ce qui me fascine, c'est la dextérité de votre manipulation de tasse sans verser de goutte quand tu bouges. Ben, je sais combien j'ai dedans le tenant, puis je sens le liquide. Donc, Daniel Kemp a dit quelque chose d'intéressant par rapport aux découvertes et comment elles peuvent apparaître selon la direction de chercheur et voilà. Aussi selon son parcours académique, selon sa personnalité, selon tellement de facteurs qui pourtant au niveau de la conclusion vont. C'est pour ça justement qu'il va y avoir des écoles et de l'académisme pour. Essayer de créer des standards communs. Parce que sinon, il y aurait autant de conclusions différentes qu'il y a de chercheurs parfois. Alors, surtout dans des sciences qui ne sont pas exactes, où il y a de grandes marges. Donc, prenez quelqu'un qui vit certains problèmes et qui va voir un psychanalyste. Après ça, il va voir un psychologue analytique. Après ça, il va voir un béhavioriste. Et les trois vont arriver à des conclusions différentes. Pourquoi? Parce que la psyché n'est pas intégrée par la conscience collective encore. Ce sont des mécaniques extrêmement subtiles. Il ne peut pas y avoir de science exacte encore. Donc, ça revient au même que quelqu'un qui aurait consulté Ménard, puis après Marc Dellassalle, puis après M. Sabourin, puis ça aurait, il serait, les trois auraient peut-être possiblement sorti des choses différentes qui peuvent être réelles, mais selon. Donc, non, moi, j'adapte que les roches que je ramasse moi-même, mais c'est vrai, il y a toujours une marge. Il y a certaines formes d'idéalisme en philosophie. Il y a même des gens qui pourraient vous dire, j'avais daté la pierre que je viens de ramasser, elle vient au monde au moment où je l'aperçois. Il y a toutes sortes de mondes. Hein. La pierre est une représentation. Je sais pas si vous, c'est en tout cas. C'est un peu comme Berkeley. Est-ce que la table existe en dehors de ma perception? Le mensonge collectif engrammé dans le mensonge cosmique qui nous colle la vie dans cette merde de cambouis tellement subtile. Ben oui. Ben c'est au niveau de la subjectivité qu'on peut. Est-ce que l'objectivité peut être collective? Puis là, que la connexion au savoir instantané peut-elle être intermittente? Ah oui. Et peut-elle avoir lieu même si on n'est pas encore connecté à l'esprit? C'est de conscientiser le contact avec l'esprit, qu'il soit intégré par la conscience, parce que tout est en contact avec l'esprit au fond, mais c'est bon, on n'a pas nécessairement une conscience intégrale qui va tenir compte de ça. Donc, c'est un peu comme avoir des facultés, mais ne pas en être conscient. Donc, c'est comme si vous aviez un outil dans un coffre, mais vous ne le savez pas. Donc, il reste dans le coffre, puis vous ne l'utilisez pas. Mais l'esprit, lui, est en contact avec, mais c'est au niveau d'une conscience intégrale, il faut conscientiser le contact. Donc, faire le contact avec l'esprit, avoir un contact avec l'esprit, c'est simplement un changement d'état perceptif. Mais ça ne veut pas dire que l'esprit n'était pas là. Vous savez, la mère de mon père avait mis, à un moment donné, j'étais allé la voir un été à Montréal, dans Saint-Léonard, et elle avait mis sur son frigidaire une petite bande dessinée qu'elle avait découpée, je ne sais pas où. Et dessus, on voyait un homme qui attendait l'autobus comme pensif, puis on voyait qu'il passait, il disait, Esprit, es-tu là? Puis juste derrière, on voyait dessiner une grosse main qui sortait des nuées, là, sur le bord de lui faire une pichenette par la tête. Donc, ça peut être surprenant des fois. Mais ça, j'avais à côté, il y avait, je me souviens, une bande dessinée aussi découpée où c'était un enfant à qui son professeur lui disait, va m'écrire au tableau un mot, une phrase avec le mot psychique. Puis on voyait l'enfant à l'autre tableau écrire dans la case suivante, écrire, qu'est-ce que ça veut dire psychique? C'était ça la phrase qu'il avait trouvée. Donc, rentre le Timinou. Ben là, il fait beau, là. C'est pas si pire, il y a juste un petit peu de neige. Puis je le soupçonne de se faire nourrir par beaucoup de monde. Si vous voyez, c'est pas un Timinou. Il doit faire 13 livres, 13, 14 livres, puis il est tout jeune, il a encore des belles dents. Fait que je suis pas inquiet. La mort, c'est seulement un passage. Je dirais que c'est un entrepôt. Puis même une salle de recyclage, un centre de tri. Puis un processus. Disons que c'est un processus. Moi, programmation de charge, je les prends tous. C'est là que ça peut être un problème parce que c'est impossible. C'est comme si je décide de prendre soin de 150 chats, c'est évident que je ne pourrais pas en prendre bien soin. Il vaut mieux en avoir un ou deux, à moins d'être très riche, là. Tu peux faire une publication de chats adoptés? Non. Je vais voir ce qui se passe, puis je verrai. Mais j'ai pas envie de commencer à. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu plein de. C'est quoi la. Qu'est-ce la cinquième dimension? L'âme, la mémoire. La possibilité d'enregistrer l'information, ça va être dans une cinquième dimension. Mais même là, est-ce qu'on doit hiérarchiser les dimensions en première, deuxième, troisième? Si je prends un cube puis que je le mets dans l'espace infini en n'ayant pas l'horizon d'une planète comme référence, sa largeur devient la même chose que sa longueur et sa profondeur, n'est-ce pas? Donc, tout est perception. Donc, la cinquième dimension, jusqu'à un certain point, c'est la mémoire, la perception de la mémoire, et ainsi de suite. Charles Sabourin dirait ça. Il y a une cinquième dimension, l'âme, là où s'enregistre la. Vous voyez? Mais au fond, il y a une dimension. Une seule dimension. C'est là que ça devient touché, là. C'est un peu comme la lumière qui se décompose. Une transformation. Ce chat est venu t'apporter quelque chose dont tu as besoin, soigne-le et laisse-le devenir ton coloc, tu pourrais être surpris. Ben oui, mais là, ça va être à moi de décider. Je ne vais pas commencer à spiritualiser le minot dans le sens d'une responsabilité psychologique. Je vais voir ce qui se passe, puis je verrai. Parce que s'il y a une loi, mais un règlement municipal, je serai obligé de le faire pucer, puis là, la vétérinaire va vouloir que je le fasse. Il va me coûter 2000 piastres, là, il n'y en a pas question. Quoique, s'il y a une pénurie alimentaire, je pourrais toujours manger le chat. Non, c'est une farce. J'ai donné à manger à un chat qui a donné mon adresse à deux autres. Ils sont trois maintenant. Oui, j'en ai un autre qui tourne l'auto. Mais lui, il a un collier, une médaille. Puis, mais il fait pitié, il a du vécu, il a le visage plein de cicatrices, puis il fait pitié. Là, c'est une... Mais lui, vu qu'il y a une médaille, je le nourris pas. Quelqu'un le nourrit et à quelqu'un. Mais bon, j'en perds là. Ah, Mathieu, eh ben, radiesthésie. J'ai mesuré une zone vibratoirement très basse, carrément zéro unité après un rave party. Ben là, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant. Moi, là, tout ça. On est dans du tribal, là, les rave parties. On est dans des réminiscences de forces extrêmement primitives. Donc, j'ai jamais compris ça, pourquoi il y a du monde qui font des. Ben, je comprends pourquoi. Je comprends comment c'est possible, mais je ne peux pas avoir d'empathie. Qu'est-ce qui est pour toi intéressant dans ces livres que tu fais? Je fais des lives. Ah, des lives. Ben, ce qui est intéressant, c'est que je ne peux pas m'attendre à ce que je vais voir dans le chat. Puis, je ne peux pas m'attendre aussi à ce que je vais répondre. Donc, l'expression réaliser le soi, est-ce que tu considères. Ah. Ok, je pensais que j'avais un. Est-ce que tu considères avoir réalisé le soi? Tu en penses quoi? J'en pense rien. Réaliser le soi. Le soi au sens jungien du terme. Si vous saviez comme ça m'a pris du temps avant de sortir de ces choses-là. Le réaliser dans quoi? L'intégrer dans le moi? Réintégrer le soi dans le moi? C'est des termes, bon. Non, puis je pense rien de ça. J'aimerais neutraliser le soi d'une certaine façon. C'est toujours fun des lives, quelque chose de réel peut sortir comme des similitudes derrière les mots. Ah oui, puis aussi je vois des choses intéressantes par rapport à ce que des fois je vois, il y a des liens qui se font entre les gens puis ils ne sont pas nécessairement conscients, dans le sens que la pensée vient d'ailleurs et il y a des consortiums inconscients au niveau des égos. C'est toujours intéressant de voir, il y a des mouvements, il y a des. Ce que les gens entêtisent au niveau d'appeler ça en donnant un sens des. Comment ils disaient ça, Jung, là? Des événements qui arrivent pour leur. Des synchronicités. Ben, moi, je vois une autre mécanique derrière ça, là. C'est comme si lui étudiait le résultat. Puis il dit, oh, c'était pas à cause du sens. Ben oui, faut qu'il y ait de mécanique. Faut qu'il y ait. Déjà donné. CRS, c'est déjà une petite faveur pour miser moustache. Je prends bien quand les mésanges frappent à la vitre pour dire bonjour. Ah. Ben, les oiseaux aussi, mais ici, je ne peux pas les nourrir. Il y a trop de voitures. Vaccination obligatoire en Autriche sous peine d'emprisonnement. Oui, mais vous verrez que la population ne le prend pas du tout et qu'il va y avoir des violences parce qu'il va y avoir une réponse à ça. Donc, un an d'emprisonnement, avez-vous pensé la surcharge du système carcéral? Va dans l'autre ville l'opérer. Moi, mais l'affaire, c'est que l'autre ville, j'ai déjà fait des démarches pour faire ça, puis la vétérinaire n'a pas de place avant un bon bout de temps. La soupe au chaud, non. C'est pas en soupe que c'est. Semble-t-il que c'est. Bon. C'est un peu comme le chien, il paraît que c'est très amer, que ça prend spécifique. Mais ce n'est pas le genre de sujet que j'ai envie de discuter. On n'est pas encore dans des conditions de survie épouvantables. Peut-on faire une distinction entre densité et dimension? Ben oui. Dans le sens que, ben attendez, là, c'est intéressant. Je me le demande, peut-on faire une distinction entre densité et dimension? Non. J'ai l'impression que non. C'est très intéressant, ça. La densité serait une dimensionnalisation. Mais s'il y a un dégradé dans la même dimension au niveau d'une densité, ça serait une dimension en elle-même. La densification, en tant que principe, aurait sa propre dimension qui interfère avec d'autres. C'est très intéressant. Il va falloir ça que je le regarde. Il y en a, j'ai invité mon corps astral au bout d'une semaine, il s'est ancré pendant quelques jours. Très bonne expérience, pas d'infos sur ça. Ce corps qui s'embie aux sept plans astral. Là, ça s'en vient dans des eaux que j'aime pas beaucoup. Parce que le corps astral, moi, que j'ai expérimenté, il est chevillé au corps matériel. C'est pas le double astral du plan astral. Donc, ça dépend ce que vous entendez par ça. Pour monsieur moustache, pour ce mal vagabond, donner les risques, c'est social, ça lui fait comprendre que ce sera pas la radio. Ouais, ben, je le nourris carrément je lui achète de la nourriture pour lui. Je peux pas lui donner mes restes parce que ce que je fais serait pas bon pour lui. Il pourrait pas le digérer comme il faut, ça serait agressant pour lui, pour son système. Puis je pense pas qu'il en voudrait. Comme hier, ce que j'ai fait, il y avait beaucoup de gingembre dedans, entre autres. Je pense pas qu'il pourrait. Puis de la casse, là, vous savez, de la casse, c'est un peu comme de la forme de cannelle. Bonjour à tous, on est dans une guerre de perception. Je dirais que la guerre se fait à travers la perception, ça joue à travers la perception. Donc, oui, une guerre de perception. Consortium, c'était quoi le mot? Oui, dans le sens que. Le fait que la pensée vient d'ailleurs, puis que mais il y a des regroupements d'intérêts derrière la pensée. C'est ce que je voulais dire par consortium. Bonsoir tout le monde. Ils ont bâti des camps COVID, mais oui. Ben oui, même notre premier ministre a eu une question à ce sujet-là en chambre. Et il n'a pas répondu, il n'a pas voulu répondre. Donc, mais lui, il est extraordinaire dans l'art de ne pas répondre. Et notre premier ministre, son diplôme le plus élevé, c'est en tant qu'école de théâtre, de professeur de théâtre. Vous savez, il a déjà fait de la prison, semble-t-il. Au Canada, vous ne pouvez pas être professeur, par exemple, au primaire ou au secondaire si vous avez un dossier criminel dans votre passé. Mais vous pouvez être premier ministre. Tellement logique, n'est-ce pas? Ce sera pas long, je vais revenir, ça sera pas long. Désolé. Donc, surcharge sans limite en prison. Si des camps sont prêts. Ouais. Ah oui, là, je vois ce que vous voulez dire. Même là, ça va prendre. Avez-vous pensé au niveau là, de la gestion d'acheminer tout ce monde-là? Malgré que ça s'est déjà fait en Europe. Même ici, nous avons eu un camp de concentration, mais c'était pour la Première Guerre mondiale. Les gens qui faisaient partie ou qui étaient des immigrés de l'Empire austro-hongrois étaient mis dans ce camp. Avec les enfants, tout le monde, là. C'était, ouais. Donc, quoi, ouais, ils cherchent à allumer le feu entre l'Europe et. Ben oui. Ça commencera à péter comme ça en Europe. Et, ben oui. Mais ça, on n'est pas encore là. Quand ce sera pas loin, je pensais faire une vidéo qui serait peut-être la dernière, je sais pas. Tu reconnais le chat du lapin par les côtes. Ronde pour les félins, plate pour les rongeurs. J'aime pas le lapin. Je trouve que ça goûte trop fort. Probablement que j'aimerais pas non plus le chat. Il paraît que c'est amer aussi. Puis que c'est une viande qu'il faut cuire longtemps. Puis bon, ça doit être raide un peu. Non, ce n'est pas des sujets très ragoûtants. Très densité, dimension, pareil, juste pour des vibrations différentes. Oui, c'est lié à la forme. C'est pour ça que on pourrait associer ça à plus un principe qu'une dimension. Je l'aime bien, je le trouve juste et intéressant. Les cotrons dans les chop suey. Chop suey, c'est du cantonais, ça veut dire un mélange de ce qui reste, me semble, à ce que je me souviens. Ouais. En tout cas, d'habitude, c'est quand c'était il y a longtemps. Vous savez, ici, il y a des Chinois qui sont venus faire les chemins de fer. Après, ils ont ouvert des quartiers. Puis quand ils écrivaient chop suey, c'est le chop suey, c'est le pocheur. Qui est lié à ce qui est de la veille, mais je me rappelle plus tout à fait ce que ça veut dire, mais il me semble que ça veut dire un sauter de ce qui reste là. C'est les pauvres hein, qui mangeaient dans les quartiers chinois qui venaient pour le chop suey, mais les Occidentaux aimaient ça, c'était très populaire. Si on met tout ce qui reste de la veille avec des fèves germées, entre autres, on fait sauter ça. Puis ils se sont rendus compte que les Occidentaux, les longs-nez, aimaient ça beaucoup. Il y en a qui venaient pour manger ça. En plus, c'était moins cher que ce qu'il y a sur le menu. Donc, ils se sont mis à le mettre sur le menu. Je l'aime bien, Burton. Je le trouve juste et intéressant. J'aime aussi ta nonchalance. Ben, si je me prenais trop au sérieux, là, c'est un gros problème qu'ont beaucoup de gens. Puis, bon. Il est quelle heure, là? Ah, je vais faire le devoir aller dîner, frère. Mais il nous reste 15 minutes au moins. Quelle est la différence entre le systémique, l'éthérique et le moronciel? L'éthérique, ça, c'est un plan qui relie tous les autres plans. C'est ce qu'on pourrait appeler un plan porte. Donc, c'est une bonne façon de s'en souvenir. Le systémique, c'est un plan des architectures de l'intelligence au niveau de la science de cristallisation sur d'autres plans. Donc, c'est l'intelligence de l'intelligence des plans, si on peut dire. C'est la première fois que je le dis comme ça. Le moronciel, ça, je vais être très franc avec vous, je ne me suis jamais penché là-dessus. Mais ce serait. Si on peut dire le plan chérubinique. T'sais, dans le sens, c'est pas loin de la source. Donc, je vois pas comment le dire autrement. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais pour l'éthérique et le systémique, je sais que. Mais pour Moronciel, là, par contre, là. Tiens, j'ai regardé la crinière de lion. Encore, j'en commande. Je t'ai mis dans une enveloppe. Oui, ben, je m'en commande déjà. J'ai pas besoin de. Mais c'est sûr qu'en plus, ça va être extrêmement long. Parce qu'ici, les douanes, surtout si ça vient d'un particulier, les douanes sont très sévères. Donc, surtout moi, je soupçonne les douaniers quand il y a mon nom. Mon nom doit être sur une liste. Parce que je commande des choses qu'ils ne comprennent pas, là. Puis ça me prend tout le temps avant d'avoir mes affaires. C'est rendu quand même quand je me commande. Des petits instruments en acier comme un coupon, il faut que la douane l'étudie, là, qu'elle les nerfs, là. Lâcher mes paquets. Mais dès qu'on m'adresse un paquet, c'est long avec hein, joli. Ah non, il n'y a pas qui fait les épices, il faut crever la dalle. Ben, moi, c'est bien important pour moi certaines plantes parce que ça facilite ma digestion. Il est extraordinaire en tant qu'endormateur, il parle tellement lentement et infatilement. De qui vous jasez, là? Bonsoir, j'ai testé la requête pour me souvenir de mes trois rêves. Ça marche et je fais vraiment des rêves de merde. Encore incapable de se conscientiser. Ben oui, c'est sûr que les rêves, J'ai fait un rêve ce matin, puis je me souviens plus. Bon. Ça devait être un rêve de merde, parce que je m'en souviens plus. Pour être créatif en fusionnant la théorie et la pratique, il faut pouvoir accéder au savoir par étapes en level instantanément. Ça commence par ce qui évite autour de soi. Ben oui, mais c'est ça, les premiers changements, il faut que ce soit autour de soi. C'est un peu comme... En tout cas... Oh, j'en mange pas tant que ça, des épices, monsieur Touga, pas très peu. De toute façon, je fais de l'acidité tout le temps, pareil. C'est un peu ce que je veux te faire part au sujet des oublis dans le vide mental. Bon, le vide mental, je sais pas si c'est lié à l'oubli, c'est plus une absence de forme, en tout cas. Hey, savoir le contexte, je suis à faire un travail manuel et j'ai un problème, mais sans penser ni réfléchir, je vois une vision claire sur mon écran mental me donnant une solution. Ben, c'est simplement de la clarté au niveau de... Il n'y a pas nécessairement un contact là, mais c'est déjà extraordinaire. Je veux dire, c'est déjà plus que la plupart du monde. Puis, oui, parce que c'est... Ben oui, en tout cas, c'est plus un contact que... Quelqu'un qui est obligé d'y réfléchir des heures de temps. Concernant les chats, est-il vrai que les chats noirs ont un lien spécifique avec l'astral? J'ai jamais cru à ça. Je trouve que c'est de la superstition. Je n'ai jamais cru à ça. Donc, peut-être, là, ça ne veut pas dire que j'ai raison, mais j'y crois pas. J'ai fait écouter en rediffusion. Bon, même pas. Au revoir. Est-ce que le voyage astral est un passage obligé pour continuer à évoluer? Non. Il y a même des gens qui vont venir au monde qui n'auront pas ça dans leur expérimental et qui pourtant vont finir par avoir accès à l'éther. Mais possiblement que c'est lié à l'évolution dans le sens que peut-être que ce qui les habite a déjà vécu cette expérience-là avant d'habiter cet égo-là. Donc, c'est pas vraiment... Merci pour l'info. Chope le lapin. Je ne sais pas pourquoi cette phrase, la pensée vient d'ailleurs, il y a un bug. Ah oui, ben c'est normal. Le bug est une manifestation du principe évoqué. C'est le terme d'ISO. Quoi ça? Et justement, on m'a dit que tu as vécu une existence dans la peau d'un Asiatique, l'Anaplis, qui s'est fait emmerder avec son peuple. C'est pas sûr. Tout est possible. Ce que je trouve drôle avec les gens qui ont des réminiscences de réincarnation, c'est très rare que vous allez avoir quelqu'un genre « Ah, ben moi, j'étais une vieille putain qui vivait à Londres. » Ou ben « Ah, moi, j'étais un marin assassin. » C'est les gens sous le temps des affaires de nous. C'est pour ça que je ne me fie pas à ça. Peut-être tout le monde, ils ont tous été des grands personnages. Là, c'est parce qu'à un moment donné, c'est des mémoires qui peuvent avoir des sympathies fréquentielles avec des mémoires. Donc, un paquet de monde qui peut... Prenez George Patton. George Patton pensait qu'il était la réincarnation de Jules César, mais aussi de Marc-Antoine, qui furent des contemporains qui vécurent à la même époque. Donc, il y a quelque chose là d'étrange. Donc, on peut parler de sympathie fréquentielle. Donc, bonjour, Cristaline. C'est drôle, je vois toujours Thème. Vous connaissez le philosophe Thème? J'aimais beaucoup Thème, j'aimais beaucoup le lire. Mais je sais pas, j'ai tout oublié. Elle dit que pour sortir de la matrice, il faut passer les trois gardiens du seuil. Ben oui, je sais qu'elle dit des affaires de même. Puis je trouve ça... Je l'ai déjà dit dans un autre live. Ce que je considérais par rapport à ça, donc je vais pas le répéter. Infantilisateur sans demeure professionnelle. Qui ça, moi? Peut-être, pourquoi pas. Les douaniers ont... Non, je charge pas, je peux pas être professionnel. Les douaniers ont intercepté un colis à 350 € en Guadeloupe pendant le confinement. C'est fait pour te faire péter les plombs. Ouais, ça marche pas même, parce que je suis patient. Tant qu'ils n'endommagent pas mes choses, là. Les sports, ben, confirmation que tu es lancé. Attention au gel. Moi, ben, j'en ai pas, j'ai rien ici. Ah oui, c'est vrai, si vous postez des choses vivantes, ici, la poste, là, ils vont pas nécessairement tempérer les camions. Donc, j'ai reçu dernièrement une huile. Je sais pas s'il y en a qui ça le temple, là, Sampo. Sampo. Sampo, il fabrique une huile médicinale au menthol. Puis quand je l'ai reçue, je croyais qu'elle était gelée parce que je me suis dit, c'est elle a gelé dans le camion. Donc je l'ai mis dans ma main pour la réchauffer. J'ai attendu que ça se liquéfie. Eh bien non. Dès que cette huile-là est à moins de vraiment là, peu de degrés, là, même à 20 degrés, elle refige en une espèce de gelée. Donc il faut tenir la bouteille dans la main longtemps. Puis elle se reliquifie. Donc, Bernard, je crois, parle du surmental comme étape au supramental. Pourriez-vous en parler? Oui, je pourrais à un moment donné. Mais le surmental, c'est au niveau de juste pas penser en attendant. Juste pas penser pour être perceptif, pour moi. Parce que ça a été ça, l'étape. Mais même là, le supramental, chez moi, c'est pas quelque chose d'intégré. C'est une vibration intermittente qui peut servir à qui, c'est quand il y a de l'instruction. Mais avant d'avoir un état, il y a une instruction possible à ce niveau-là, au niveau de l'intelligence qui vient d'en dehors de l'ego. Faut qu'il y ait une capacité de réceptivité. Donc, il faut qu'il y ait un plan. Il faut qu'il y ait, comme prenez un enfant, il va développer son intellect. C'est la même chose, le surmental. Dans le sens, c'est un plan qui est pas, qui va servir justement à désamorcer l'intellect en tant que réflexe mémoriel qui vient de l'environnement. Après, il y a possibilité. Donc, c'est-à-dire, c'est juste le fait de considérer que, de voir qu'il y a des états au-delà de l'intellect. De recouvrir cet état-là jusqu'à un certain point, ça permet ensuite d'avoir l'autre phénomène, là, le supramental. Donc, je le vois comme ça. Puis même là, peut-être que je dis n'importe quoi. Je le sais jamais au moment où je le dis. Pour l'acidité, un petit verre d'eau avec une queue, non. Ah non, ça revient au même. Ça revient au même que ce que. C'est juste que j'ai tout ça dans la même. C'est la même chose, là. Puis en plus, c'est bien moins déplaisant, puis c'est moins. Parce que ce qui arrive, c'est qu'ici, en plus, l'eau est surchlorée en ce moment. Donc, ce temps-ci, même j'en ai plus que d'habitude à cause du chlore qu'ils mettent dans l'eau. Ces imbéciles-là de municipaux qui ont préféré nous faire. Ils ont rénové plein d'affaires de flafla pour flasher au niveau de la ville. Puis ils se sont pas réellement occupés de l'aqueduc comme ils l'auraient dû. Et maintenant, ils chlorent l'eau. Chlore qui notamment augmente les pourcentages de cancer de la vessie dans les populations quand il y en a beaucoup. Donc, ces gens-là sont des irresponsables comme d'habitude. Puis on a tout à même. Au début, quand j'ai vu les travaux qu'ils faisaient, absolument pour rien, là, ils pensent que la rue principale ici, c'est comme Beverly Hills. Ils nous ont fait une rue là, avec ce n'importe quoi, là, vraiment. On n'avait pas besoin de ça. C'est vraiment inutile, c'est ridicule. En plus, ça coûte plus cher à déneiger, mais ils n'ont pas entretenu les infrastructures existantes. Ils ont préféré en créer de nouvelles pour des raisons d'apparence. Puis ce n'est même pas pratique. Donc, comme d'habitude, nous avons affaire, comme vous savez, ce qu'on entend là, derrière, le bip, bip, bip, c'est possiblement dû à toutes leurs conneries. Donc, je vais devoir vous quitter dans quelques minutes. Je vais quand même lire les derniers, là, mais essayez de ne pas m'en remettre trop. C'est quand j'ai. Vinaigre de cidre aussi, non, c'est pas des réminiscences, c'est quand je t'écoute parler, bien, il y a des infos qui spawnent plus de détails dans la gestuelle. Ah, je parle du premier ministre, ah, ok, ah, ben oui, ben vous savez, lui, c'est. Il semblerait qu'il s'entend bien avec les jeunes gens, en tout cas, il vient à bout de les. Il y a eu un pro... il y a eu un des il y a pas eu de procès pour ce qui est payé là, mais ça a sorti ça dans des journaux en dehors, puis même là je veux pas faire sauter la chaîne en parlant de ça là, mais ça s'est parlé dans des journaux américains. Notre premier ministre qui est un vrai bon rire. La vétiver est aussi très intéressant et puissant. Le vétiver. Ah. L'huile. Ah, l'huile de vétiver. Oui, ça a l'air. Probablement, ben, tout est intéressant, je trouve, à ce niveau-là. J'ai fait une hypnose en vie intérieure. J'ai été la femme d'un homme exploitant des esclaves noirs pour du coton. Pas fier, ben là, c'est d'un autre vin, un autre ego, il n'y a pas de notion de fierté ou pas. Plus une autre vie d'un homme simplet, interné dans un asile, un trisomique. Ben, pourquoi pas? Ah, ben, c'est intéressant. Réussis-tu encore à t'amuser dans la vie? Ouais. C'est pas le même genre de. J'ai pas le même genre d'amusement. Dans le sens que j'ai quand même un certain plaisir. Ah, je vais vous laisser, il arrive des gens. Je suis désolé pour ce qui restait. Donc, bonne journée.